de manger du fromage. Tu pues de la gueule, c'est un carnage. Je peux plus supporter cette odeur. Je t'en supplie, Julie, va ailleurs. Je t'en supplie, ma petite Julie, cette nuit tu dors dans mon lit. Je voudrais bien ne plus rêver que tu me parles avec tes pieds. Arrête de manger du fromage. Arrête de manger du fromage. Demain nous partons en vacances, ça me fait plaisir quand j'y pense. La plage, le soleil et la mer, mais j'interdis le Saint-Nectaire. Dehors il pleut sur l'autoroute, en voiture c'est fou comme ça goûte. Je roule quand même les vitres ouvertes à cause des relents de raclette. Arrête de manger du fromage. Arrête de manger du fromage. Quand nous irons en boîte de nuit, je cacherai ton petit bris. Je veux pas que tout le monde soit dehors pendant que j'enflammerai le dance floor. Les filles, c'est comme les chocolats. Avant d'y goûter, tu sais pas, de l'extérieur ça donne envie parfois de danser tout pourri. Regarde les trois petits cochons, quand le loup souffle sur leur maison, ils changent leur tête de direction. Il y a bien une raison. Arrête de manger du fromage. Arrête de manger du fromage. Oui, Julie, je t'en supplie, ne mange plus de fromage. C'était un coup raté, chérie, et j'assume d'ailleurs pleinement la responsabilité de cet échec, et j'en tire les conséquences en me retirant de la vie politique. Oh, ma Julie, ma préférée, je suis en train de déprimer depuis que t'as déménagé pour habiter à Coulommiers. J'irai jamais à Coulommiers car cette ville doit t'infester. Alors je pleure, petite idiote, devant une tranche de cancoyote. Trop de tristesse dans le fromage. Trop de regrets dans le fromage. Trop de remords dans le fromage. Reviens, je t'offre du fromage.